Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Caprice de lecture, où aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Laurence Gantois-Domange. Bonjour Laurence. Bonjour Sarah. Je suis très contente que vous ayez fait le déplacement jusqu'à nous pour pouvoir parler de votre livre qui s'appelle Geneviève aux éditions L'Harmattan. Alors, le principe de l'émission, pour les auditeurs qui nous suivent régulièrement, on a une grande partie de cette émission qui vous est consacrée, avec quelques questions justement en rapport au livre. Ensuite, on va aller découvrir ou redécouvrir un lieu insolite ou lire. Et enfin, le caprice de la semaine, qui est donc un livre que j'ai pu aimer ou que vous, peut-être Laurence, vous avez envie de partager, un livre que vous avez lu et aimé. Mmh. On va commencer tout de suite. Alors, Geneviève est votre premier livre. Oui, édité, oui. Édité. Est-ce que... Comment vous est venue cette envie d'écrire ? Mais j'écris depuis longtemps. D'accord. Mais disons que c'est l'écriture de l'intime est venue à la mort de ma mère. D'accord. C'est pas venu tout de suite. Oui. C'est venu 4 ou 5 ans à peu près. 4 ans après sa mort. Après D'accord. sa mort. Mais sinon, avant, j'ai écrit beaucoup de récits de voyage. J'ai écrit surtout un livre qui raconte le. Enfin, pas. J'ai pas publié, mais j'ai écrit un petit livre sur l'adoption de mon fils à Saïgon. D'accord. C'était un récit. Vous faites un petit peu référence d'ailleurs dans le livre consacré à votre maman. Voilà, c'est ça. Hein ? D'accord. Alors, moi j'ai lu le livre. Geneviève est une fée pour vous. C'est une femme, vous racontez sa vie avec ses péripéties. C'est une femme très, très digne, très belle, dans ce que vous en dites aussi, ce que je ne doute pas. Avec un port, un peu comme une fée, c'est-à-dire elle a plein de talents. Moi j'aime beaucoup le regard que vous portez sur votre maman. Et vous lui portez un amour inconditionnel, ça se sent autour de chaque page. Est-ce qu'elle est encore votre modèle aujourd'hui ? Est-ce qu'elle vous a toujours servi de modèle ? Ou est-ce que votre livre est très intime. Quelque chose de très intime. Vous l'écrivez avec le cœur, ça se sent, ça se ressent, parce que des fois il y a des passages qui sont quand même sont durs. Et voilà, vous avez toujours, malgré sa disparition, un amour pour elle qui est sans mesure. Disons que l'écriture n'a rien changé. D'accord. Quand on parle souvent d'écriture thérapie, etc. Oui. Et ça n'a pas calmé mon chagrin. Enfin, d'accord. Ça l'a déposé quelque part. Ça l'a déposé. Ça vous a permis de le purger quelque part en l'écrivant ? Non, pas du tout. Non plus. Ça m'a permis de mettre des mots, sur cette relation, de souligner que la relation était très intense, mais qu'elle n'était pas transparente complètement, qu'il reste du mystère chez elle. Et j'ai voulu aussi l'écrire, le déposer, ce mystère. Ok. Parce que ça m'a toujours préoccupée, si vous voulez, travailler. Okay. Et donc, je ne sais plus ce que vous aviez demandé au départ. Bah, en fait, au départ, je me disais... Je l'aimais toujours, bien sûr que oui. Rien n'a changé. Le chagrin est toujours là, peut-être moins intense. Oui. Mais ça, parce qu'on entend toujours des gens qui parlent du deuil de manière stupide, à mes yeux. C'est-à-dire qu'ils disent au bout d'un an, enfin, qu'ils mettent une espèce de date ou de chronologie et de temps nécessaire pour faire son deuil, ce que je déteste. Donc, je ne fais pas du tout le deuil. Au contraire, je prolonge sa vie, en fait. Oui. C'est le contraire. C'est-à-dire que je lui donne vie et en lui donnant vie et en la publiant, si vous voulez, l'acte d'écrire, c'est une chose, mais après la publication, ça lui donne une certaine éternité qui me permet encore moins de l'oublier. Oui. Oui, vous voyez, je comprends. C'est tout à fait paradoxal. Et vous êtes un peu un passeur quelque part. J'ai l'obsession de la transmission. Oui, et les sentiments que vous éprouvez pour elle, vous arrivez, nous, à nous les faire aussi éprouver. On se projette en vous quelque part. Et c'est ce que mes amis m'ont dit, parce que j'ai fait le livre au départ par une petite imprimerie locale à Verdun. D'accord. qui a imprimé un 40 exemplaires pour mes proches. Et tous. Quand le retour de ses amis, c'était toujours « et moi, et ma mère, et moi, ma relation à ma mère ». Chaque fois, ça les a renvoyés. C'est pour ça qu'il y a quand même... C'est très intime, mais en même temps, c'est universel. Enfin, il y a un côté universel, parce que de relation mère-fille. Vous rendez public l'intime sur cette thématique-là. Et je permets aux autres de parler d'eux, oui. ce qui a toujours été très... ma préoccupation, si vous D'accord. voulez, dans ma relation à autrui, d'accéder à l'intime. Donc, j'y arrive par cette pas exhibition, mais enfin, le fait que j'ose parler de moi, ça leur permet souvent, à beaucoup de filles et d'hommes aussi, de parler d'eux et d'accord. de leur mère. Okay. Oui, ça c'est chouette. Ben oui, je trouve. On va faire une petite pause, Laurence, avec Earth, Wind and Fire. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour sur Caprice de lecture avec Laurence Gantois de Mange qui nous parle de son livre Geneviève. Laurence, une belle part de votre livre d'ailleurs est consacrée à la relation que votre fils avait avec votre maman. Mmh. Votre fils a été adopté et Voilà, aujourd'hui, vous nous avez expliqué tout à l'heure que ça faisait maintenant 4 ou 5 ans, c'est ça qu'elle elle est morte en 2016. Voilà, donc l'année ça va faire 6 ans. L'année de ma retraite, juste, je rêvais de vivre avec elle des moments particuliers, elle est morte, voilà. Et votre fils aujourd'hui, donc à quel âge et comment lui perçoit encore la présence que sa grand-mère a pu lui apporter et tout ce qu'elle a pu lui apporter? Donc mon fils a 27 ans. D'accord. Il habite à Strasbourg et on peut dire qu'il a été traumatisé complètement par la disparition de sa grand-mère. Ils étaient proches tous les deux. Ils étaient extrêmement proches. Bon, ouais. Ça apparaît de manière un peu idyllique dans un chapitre, mais ce n'est pas idyllique du tout parce que je me restais toujours au plus près du réel. Je suis vraiment dans la veine réaliste pure. Et il est incapable d'aller au cimetière, par exemple. Il est incapable de parler d'elle au passé, par au exemple. Ça a été la personne, je pense, qu'il a le mieux compris. Il faut dire qu'il a été, enfin c'est très intime, mais bon après tout, il a été déposé, lui aussi, par sa grand-mère vietnamienne. D'accord. Donc de ce côté-là, il a un passif extrêmement lourd, et c'est une grand-mère qu'il a pris dans les bras en arrivant. Enfin, c'est moi, bien sûr. Mais... Donc, il faut qu'il jongle avec ces deux grand-mères-là, qui sont opposées, l'une qui est du côté de l'abandon et l'autre qui est du côté de la vie et qui l'a toujours adorée. Mais enfin, c'est normal que... gâtée, comme disaient les gens, stupidement. C'est normal si sa grand... Et elle lui a donné la vie, quoi, en quelque sorte. Sûr. Elle lui a permis de vivre. Enfin, oui. Moi aussi, d'ailleurs. Oui. Bien sûr. Mais il est pas... c'est toujours un drame pour lui, d'accord. Cette disparition. C'était vraiment une relation. Et cette obsession de la mort, de notre propre mort, qui va venir un jour, l'est aussi. Donc il vit avec cette angoisse. C'est fou, ça. Cette angoisse. Ouais. Bon, c'est pas lié à sa grand-mère, oui. C'est lié à son histoire aussi, voilà. Bien sûr. L'abandon. Okay. C'est un abandon de plus que la mort de sa grand-mère, voilà. Ok. Quel est votre type de lecteur, quand vous rencontrez les lecteurs, est-ce que vous faites des rencontres de dédicaces? Est-ce que vous pas faites encore, ce genre de choses? Pas encore, ça risque de venir, mais disons que la plupart des lecteurs sont mes amis, pour d'accord. l'instant. Ou bien les anciens élèves de ma mère qui me téléphonent, les anciens collègues. Vous en parlez dans votre roman, des anciens élèves voilà, de votre maman. Eh bien, donc j'ai de temps en temps des coups de téléphone ou des témoignages. D'accord. Écrit d'anciens élèves donc qui sont nés qui étaient à l'école avec elle en 47, 48, 49, toutes ces premières années à Bouligny, donc dans d'accord. le pays minier. Donc c'est ce genre de lectorat. Bon, mais c'est très diversifié parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, chacun pique. Il y en a qui vont retenir le jardin, d'autres la cuisine, d'autres l'institutrice, d'autres la grand-mère, d'autres. Et puis chacun avec son regard. La mère, chacun avec son regard, ses émotions, son histoire. Voilà. Oui, je comprends. Et il s'identifie. Ça fait vraiment un kaléidoscope. D'accord. Donc chacun, il pique ce qu'il veut. Et c'est ce qui est émouvant, si Et puis vous c'est voulez. Ce qui est très enrichissant sur le portrait. Après, même qu'on peut Et en je lire. Pense que ça vient du réalisme aussi. Par exemple, j'ai quand même envoyé Annie Ernaux, parce que mon mari m'a poussée à avoir un regard extérieur autre que mes amis. Elle a répondu dans les 15 jours, et vraiment de manière très élogieuse. Oh, donc c'est ce qui nous a poussés. Je dis nous, parce que mon mari est très, très... Il est là. Là, derrière, pour la promotion. Moi, je m'en moque un peu. Disons ouais. que j'ai fait mon boulot quand j'ai écrit. D'accord. Et maintenant, c'est fini. Mais c'est la réponse très chaleureuse et encourageante d'Annie Ernaux qui fait qu'il a sollicité les éditeurs. Voilà. Super. Donc, c'est chouette. Oui, en plus, c'est une aventure de couple quelque part. Ah ben oui, parce que oui, c'est mon premier lecteur, relecteur, et bon, comme j'ai beaucoup d'écrivains. Hein, mais c'est chouette. D'écrivains, enfin, entre guillemets. C'est chouette. Voilà. On va faire une deuxième petite coupure musicale avec Peggy Lee pour Fever. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. He gives me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever if you live you learn. Fever till you sizzle, what a lovely way to burn. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour avec Laurence Gantois-Domange pour son livre qui était dédié à sa maman, qui s'appelle Geneviève, aux éditions L'Harmattan. Laurence, j'ai une dernière question pour vous. Un deuxième roman va-t-il paraître bientôt? Est-il en cours d'écriture? Je n'en peux plus de suspense, dites-moi tout. Donc, c'est pas un roman, c'est plutôt un autre témoignage que j'ai écrit, qui est en cours de rien du tout. Ah. C'est-à-dire qu'il est chez les éditeurs et j'attends les réponses. Bon. D'accord. Ça s'appelle Mes Allemagnes. Okay. Et c'est ma perception de l'Allemagne, de l'Ouest, d'abord dans les années 67 à 73, où j'ai fait des séjours tous les étés, dans une famille, une petite famille, dans une famille au bord de la Moselle. C'est ce qu'on appelait les voyages de correspondance à l'époque. Non, c'était une famille de provisions. J'y allais en été un mois. D'accord. Depuis l'âge de 13 ans, donc jusqu'à, 18, 19 ans. Donc beaucoup, c'était une famille qui accueillait des enfants de pays différents. Et on était là tous ensemble. On avait des cours avec le professeur qui donnait des cours l'après-midi. Et puis on vivait en famille. Bon. D'accord. Donc ça, c'est le quotidien de l'Allemagne de la RFA, en quelque sorte, dans les années 60, autour des années 60, fin des années 60. Donc assez lourd. Mais pour moi, c'était une découverte formidable. Et puis, ça, c'est l'Ouest. Et puis, en 75-76, j'ai fait des séjours en Allemagne de l'Est parce que ma sensibilité politique était plutôt communiste, très à gauche. Et donc, j'écrivais en plus une maîtrise sur un travail sur Christa Wolf, qui est donc un auteur de RDA. Donc, j'ai deux images, deux Allemagnes en moi. Et donc, je les fais se confronter, etc., en expliquant les relations que ça implique. Là, cette fois-ci, avec mon père, qui, lui, a été au STO et qui a eu un passé en Allemagne. Donc, c'est plus intellectuel, entre guillemets, et moins intime que le précédent. On est sur un essai ou un roman, du coup, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. C'est plutôt un témoignage. D'accord. Un témoignage, c'est... je raconte, mais en même temps, ça, à travers toujours la même chose, moi, c'est mon obsession... enfin, c'est pas mon obsession, c'est ma façon de, à travers une histoire individuelle, en tout cas, une petite histoire, il y a quand même derrière toujours un peu de la grande histoire et de la sociologie toujours présent. D'accord. Hein? Donc, voilà, je trouve que... Bon, et puis sinon, après, j'ai écrit d'autres choses parce que je commence à prendre goût, malheureusement, d'accord, un peu tard. Oh, mais... Moi, je pense qu'il n'est jamais trop bon, tard. Bon, alors après, j'ai écrit sur les lieux de ma vie, les d'accord, lieux, ceux qui restent. D'accord. Ceux qui restent, les lieux de mon enfance et de mon adolescence. D'accord. Okay. Et en ce moment, je fais des portraits, mais ça, c'est encore un c'est autre. C'est encore autre chose. Mais sans mettre le jeu, cette fois-ci. D'accord. Je passe à l'étape du... Vous parlez... Plus romanesque, ok, en fait. Tout en okay, s'inspirant du reste. Donc vous avez plein de projets, c'est super. Oui, j'adore. Moi, je trouve j'adore ça bien. Ça, ouais. Vous êtes dynamique, c'est super. C'est chouette. Si, c'est bien. Ben, dis donc, il faut vivre. Oui, il faut se faire plaisir aussi. Voilà, c'est très voilà, important. Voilà. Alors, déjà, un grand merci, Laurence. Merci à vous. C'est vraiment vous, super. Hein. Alors, moi, je vais vous faire découvrir un lieu insolite où lire. Alors, ce n'est pas une librairie, ce n'est pas une bibliothèque, ce n'est pas un parc. C'est lire dans sa voiture. Moi, j'ai découvert le plaisir du lire dans ma voiture quand vous êtes contraint d'attendre quelqu'un ou quelque chose. Et ben, j'ai découvert que ça faisait une bulle, un cocon, avec la musique que vous voulez. Et je pousse même le vice à emmener un thermos avec moi de thé ou de café. Et c'est... Donc, je conseille à nos auditeurs la lecture dans la voiture. C'est plutôt très bien. Vous êtes tout seul avec vous-même. On va faire une dernière pause musicale avec Give Me The Night et après on fera le caprice de la semaine. Give me the night. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour de Caprice de lecture sur Caprice de lecture pour cette dernière partie d'émission, toujours en compagnie de Laurence. On va parler du caprice de la semaine, qui est un caprice un petit peu, alors on va dire un peu triste, mais malheureusement qui a existé. Je vais vous parler de Philomena de Martin Sixsmith, un livre qui est sorti dans les années 2010-2014. Alors l'histoire c'est quoi? Ce sont ces jeunes filles en Irlande qui tombaient enceintes dans les années 50. Et puis, alors elles ne tombaient pas enceintes pour certaines parce qu'elles ne, voilà, pas parce qu'elles le désiraient, mais voilà, ça arrivait, c'est comme ça. Et puis elles étaient recueillies par l'Église. Mais quand elles étaient recueillies par l'Église, donc quand je dis l'Église, c'est vraiment au sens large du terme, l'Église les permettait de garder leur enfant jusqu'à 3 ans. Et puis après, elles devaient signer un papier qui disait, ben, tu signes ici, tu laisses ton enfant, parce qu'il y avait plein d'Américains qui voulaient adopter des enfants, contre une somme d'argent qui était, ma foi, assez modique pour le prix d'une vie entière. Et là, on va nous raconter l'histoire de Philomena, qui est la maman du jeune garçon qui s'appelle Mike, qu'elle avait appelé Anthony, mais qui s'appellera Mike aux États-Unis, qui est recueillie avec une petite sœur de lait et non pas de sang. C'est deux enfants qui sont nés quasiment en même temps, mais qui ne se sépareront jamais tout au long de leur vie. Et ils sont recueillis dans une famille donc américaine, riche, qui a déjà trois garçons, trois grands garçons, et qui vont les élever. Ils vont changer les prénoms. Donc lui s'appellera Mike, sa sœur s'appellera Marie. Et ils vont grandir comme ça jusqu'au jour où lui, quand même, il va avoir des réminiscences de cette enfance. Il va trouver des bobines de films. À l'époque, c'était des bobines un peu en Super 8, où il voit ce petit garçon avec son avion en fer. Et puis, voilà, bon, ça va un peu le bousculer dans toute sa vie. Il va se découvrir homosexuel. Donc, on est dans l'Amérique des années 70. Donc là, c'est, voilà, c'est très compliqué. Il va avoir un éminent poste parce qu'il va être avocat d'un parti politique. Et puis, ben, Mike, il va chercher sa mère, et il va partir avec son compagnon de l'époque en Irlande. Il va réussir à retrouver l'église où sa mère avait été recueillie. Et le nom de sa mère avait été changé aussi. Malheureusement, Mike est atteint du sida, va mourir du sida. Et c'est son compagnon qui va aller retrouver sa maman pour qu'elle puisse venir se recueillir sur sa tombe. Alors là, je vous ai raconté l'histoire un petit peu en diagonale. Mais c'est surtout l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'un traumatisme. C'est pour ça, Laurence, moi, je voulais en parler, parce que vous êtes le traumatisme de la perte de votre maman, malheureusement par une issue fatale, la mort. Mais lui, c'est vraiment par la séparation brutale. Et ce que j'ai retenu, moi, de ce livre, c'est que quel que soit le parcours, une mère et son enfant sont liés pendant 9 mois in utero. Et je crois que rien, il n'y a jamais rien de plus fort que ce lien-là. Donc moi, je vous invite et je vous encourage très vite à lire Philomena de Martin Sixsmith. D'ailleurs, c'est un livre qui a été adapté en film avec Judi Dench, qui est une actrice formidable, que je conseille à tout le monde. Cette émission de Caprice de lecture touche à sa fin. Encore merci, Laurence, d'avoir bien vouloir accepter cette invitation. C'était un grand plaisir d'échanger avec vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans les Caprices de lecture. Au revoir.